Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le lundi 29 mars 2021, il est 14h01 passé. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, bien que vous soyez habitués désormais, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour que il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Alexia Stark, qui est venue nous parler de son association appelée Association Jeunesse de Saint-Nabord, ou AJSN pour faire plus court. Donc bonjour Alexia. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, merci. On peut se tutoyer, ça? Oui. T'inquiète. Donc tout d'abord, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Je pose toujours cette même première question afin qu'ils et elles puissent déjà te connaître un petit peu. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Alexia Stark, je suis étudiante en fac de lettres à Nancy et parallèlement à ça, je suis présidente de l'association Jeunesse de Saint-Nabord. Donc j'étais ado avant et maintenant j'ai gardé la présidence parce que personne ne pouvait la reprendre et parce que c'est des jeunes qui le méritent. D'accord, donc tu étais déjà dans cette association avant d'être présidente? Oui, alors en fait j'étais adolescente en fait et c'était la présidence qui était menée par le papa d'un copain. Okay. Et après je l'ai repris à mes 18 ans. Ok, d'accord. Donc comme tu l'as dit et comme je l'ai annoncé en introduction, nous sommes ici pour que tu puisses nous parler donc de ton association Jeunesse de Saint-Nabord. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'association Jeunesse de Saint-Nabord? Alors, c'est une association de jeunes de 13 à 17 ans qui organise des événements tels que des lotos, ou des marchés de Noël, ou même des ventes de brioches ou de jus de fruits. D'accord. Et l'argent récolté sert à partir en vacances. Donc, c'est un projet pédagogique qui est fait en juillet chaque année. Et on est déjà parti donc dans le Jura, en Ardèche et en Irlande, avec un projet bien défini à chaque fois. Et on achète aussi du nouveau matériel au centre aéré de Saint-Nabord. Ok. Depuis quand cette association existe-t-elle? Elle existe depuis 2017. D'accord, ouais, donc ça fait 4 ans bientôt. Oui, c'est ça. Ok. Donc, bah, du coup, tu as un petit peu répondu, mais je te demandais si c'est toi à la base qui a eu l'idée de créer cette association, mais non. Bah, en fait, elle a été créée grâce à nous. En fait, on était un groupe d'adolescents qui était au centre aéré, mais le centre aéré s'arrête à partir de 13 ans. Okay. Et en fait, on était un groupe de copains et on s'est dit que c'était triste de s'arrêter là et d'aller faire nos vies chacun de nos côtés. Donc, on a voulu créer une association pour pouvoir partir en vacances, en fait, les étés. Donc, c'est ce même groupe qui est resté pendant 4 ans. Et là, cette année, donc, on a recruté des nouveaux jeunes. Et en fait, j'étais vice-présidente depuis 2017. Okay. Et maintenant, je suis présidente vu que je suis majeure. Et c'est des nouveaux qui arrivent, qui ont 14-15 ans, pour refaire de nouveaux projets. D'accord. Oui, donc à la base, donc du coup, vu qu'avant tu étais dans l'association sans être présidente, du coup, ceux qui étaient, les autres jeunes qui étaient avec toi avant que tu sois présidente, ils sont encore là aujourd'hui? Non, ils sont partis, il reste encore une autre fille, donc c'est Romane Keller, la secrétaire. D'accord. Donc elle aussi, elle a 18 ans, mais sinon, ils ont tous quitté l'association, ils sont maintenant au travail, ils n'ont plus le temps, mais on a un appartement en fait à Saint-Nabord où les jeunes se retrouvent et ils viennent souvent voir les nouveaux. Ok, d'accord. Donc, on va être galant, on ne va pas dire ton âge, hein, mais tu es toute jeune. Oui. Bon, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un grand-père, mais bon, voilà, passons. Donc, est-ce que c'était important pour toi de reprendre la présidence d'une association par des jeunes et pour des jeunes? Oui, c'était important parce que, en fait, c'était mes amis à la base et puis c'est des jeunes quand même qui sont motivés malgré le Covid en ce moment, etc. Les ventes, c'est toujours, enfin, ils sont dynamiques et c'est toujours important. Enfin, en fait, à chaque vacances, ils se retrouvent à l'appartement et en fait, ça se voit qu'ils ont envie de faire, de se retrouver, d'être ensemble et c'est toujours un plaisir d'être avec eux, même si ça demande beaucoup de travail. Ok. Donc, du coup, toi, la semaine, tu es sur Nancy? Oui. Mais donc, du coup, vous vous retrouvez comme le week-end ou tu habites toute la semaine sur Nancy, à part aujourd'hui, exceptionnellement? Je rentre tous les soirs, en fait, okay, à la maison. Et ils ont un appartement, en fait, qui va être mis à disposition maintenant les mercredis et les samedis. Mais pour l'instant, ils se retrouvaient que les petites vacances scolaires et les étés. Mais là, on est en train de voir avec la mairie pour pouvoir faire un tarif à l'année, en fait, pour qu'ils puissent se retrouver tout le temps à l'appartement. Il y a une animatrice qui a été engagée pour pouvoir ouvrir tous les jours, en fait, dès qu'ils ont envie d'y aller. Parce qu'ils habitent tous à proximité de l'appartement. Ok. Oui, donc tu es à la fac de lettres de Nancy. C'est pas dans mes questions, mais c'est une question qui me vient en tête comme ça. Tu es dans quelle filière? Je suis en LLCER espagnol. Donc c'est okay. En fait pour me spécialiser dans l'espagnol pendant 3 ans et après faire un master MEF pour faire professeur d'espagnol. Ok. Non, parce que moi, je te demande ça, parce que j'ai également été en fac de lettres à Nancy, justement. Sauf que moi, j'étais en LEA, où j'y suis resté pendant 2 ans, puis après, je suis parti parce que ça ne me convenait pas. Non. Enfin, bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, comme pour toutes les associations, j'ai du mal avec ce mot, je suppose que tous les membres donc, de l'association sont des bénévoles. Oui. Ok. Est-ce que tu sais à peu près, vous êtes combien de bénévoles dans l'AJSN? Alors, il y a 20 adolescents donc, qui ont payé une cotisation de 5 euros à l'année pour s'inscrire. Et après, il y a 6 adultes dans le bureau, donc avec secrétaire, trésorerie et président compris. Okay. Et après, il y a bien sûr les parents de chaque ado qui viennent pour les lotos, etc., pour installer. Et eux, ben, on ne les compte pas comme des membres parce qu'ils ne payent rien, mais ils aident toute l'année. Ok. Donc, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, les anciens membres, quand toi, tu étais encore juste un simple membre, ils sont plus là, ils sont partis. Mais du coup, maintenant, comment as-tu fait pour recruter, entre guillemets, les jeunes qui sont actuellement dans ton association? Est-ce que ce sont des amis à toi ou as-tu, par exemple, fait des annonces sur les réseaux sociaux, etc.? Alors, tout simplement, à la base, c'est souvent les petits frères, en fait, de ceux qui étaient là avant. D'accord. Donc, il y en a plein. Il y en a peut-être la moitié qui c'était leurs grands frères et leurs grandes sœurs qui étaient dans l'association avant. Et les autres, oui, c'est en fait des amis de ceux-ci. Ou alors, oui, j'ai mis des annonces sur les réseaux, j'ai fait des flyers, etc. Et ils sont souvent aussi au lycée ensemble. Donc, du bouche à oreille, etc. Les 20 ados, ça a été super facile. Même j'ai dû en refuser d'autres qui ne connaissaient pas le groupe, etc. Enfin, ça ne les plaisait pas tant que ça. Et du coup, on ne les a pas pris. Parce qu'après, ça fait beaucoup pour les minibus, etc. Pour les voyages à la fin de l'année. Oui, c'est sûr, j'imagine. Ok. Donc, comme dans toute association, parce que ici à Radio Guémozo, on est également une association, il y a ce qu'on appelle un bureau pour gérer l'association. Donc je vais te poser une question toute simple. Qui sont les membres de ce bureau? Donc il y a toi qui es présidente. Alors, moi-même présidente, oui. Ensuite, une ancienne adolescente qui est secrétaire, donc qui a 18 ans aussi. Okay. Et ma maman qui est trésorière. Et après, en fait, on a mis à chaque fois un adolescent pour aider l'adulte. Donc, il y a Lila, une adolescente qui est vice-trésorière. On a une vice-secrétaire. À chaque fois, il y a en fait 2 membres par poste pour que les adolescents aient un peu de responsabilité quand même sur certains événements. Ok, nickel. Donc, il est 14h08. Avant de poursuivre et d'entrer plus en détail dans l'association jeunesse de Saint-Nabor, je te propose de nous lancer tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son que tu as choisi, et que nous écoutions une chanson et un chanteur que j'aime beaucoup également. Donc, quand tu me l'as proposé, ça m'a bien plu. Donc, Taïk, avec son titre Le Temps, une chanson plutôt typée R&B Soul, est tirée de son tout premier album intitulé Fleurs Froides, sorti à la fin de l'année 2020. Donc, est-ce que ça te va qu'on écoute ça? Oui, parfait. Eh bien, parfait. Alors, on écoute Taïk et on se retrouve d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Pour là tu disparais sans laisser un mot. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. J't'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton dos. Toi tu m'as fait gaspiller mon temps, tu ne m'as pas laissé parler. Aïe. Et maintenant tu reviens, et comme avant tu espères retrouver celui qui t'a aimé, celui avec qui t'as joué. Et maintenant c'est toi qui veux parler. Tes meilleures phrases, tu veux les coller. Ne gaspille pas mon temps, yeah, yeah. Oh, le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps, une autre a su me soigner. Ne me fais pas croire que je n'ai pas fait ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, toi t'as tout jeté à l'eau. J'étais devenu accro à ton goût, le goût de ton poison. Et maintenant, moi ça va avec toi. J'avais comme l'impression de devoir supplier. va m'entendre. On s'est arrêté, tu veux reprendre. Ne gaspille pas mon temps. Le temps m'a réparé. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Taïk avec son titre Le Temps. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Alexia Stark qui est venue nous parler de son association appelée Association Jeunesse de Saint-Nabor. Ça va toujours ? Oui, ça va. Nickel. Donc avant de poser ma question phare à laquelle nos auditrices et nos auditeurs sont habitués, j'aime bien apporter de temps en temps des précisions. Et là, aujourd'hui, j'avais une petite anecdote à te partager, Alexia, et aussi à partager à nos auditeurs. Sais-tu pourquoi ce chanteur s'est donné le nom de scène de Taïk ? Non, je sais pas. Ah, donc apparemment, ça serait sa mère qui l'a surnommé Taïk, donc T-A-Y-C, qui sont les initiales de Take All You Can, que l'on peut traduire en français par Prends tout ce que tu peux. Donc voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de partager. Donc maintenant, je vais te poser ma question phare, la question dont nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. Pourquoi avoir choisi cette chanson Le Temps de Taïk ? Alors j'ai choisi ça parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup depuis longtemps et c'est sa récente musique qui est sortie il n'y a pas longtemps et que j'écoute dans la voiture tous les jours et que j'aime beaucoup. Ok, bah nickel. Du coup maintenant je te propose de nous replonger dans cette émission et dans ton association Jeunesse de Saint-Nabor. Dans quel but, a été créée cette association ? Quelles ont été les motivations pour créer l'association Jeunesse de Saint-Nabor ? Alors la motivation principale, ça a été de ne pas disperser un groupe qui s'entendait vraiment bien, okay. Un groupe qui avait déjà fait beaucoup de voyages ensemble et qui avait l'habitude de se voir toute l'année dans un centre aéré. Et donc en fait, on a créé ça avec un projet pédagogique derrière pour pouvoir récolter de l'argent et en fait faire des choses encore plus grandes ensemble. Ok. Et également, du coup, acheter du matériel au centre aéré, parce qu'en fait, vu qu'on est rattaché à eux, que c'est grâce au centre aéré qu'on se connaît, mm-hmm. Et ben, on a un lien fort avec les plus jeunes, donc de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans. Et on aime bien donc leur offrir des raquettes, etc. Et puis, on passe souvent les voir aussi. Bon, en ce moment, c'est plus compliqué avec le Covid, mais on passait souvent les voir, on leur faisait des grands jeux, etc. Ok. Ah, c'est vrai, je trouve que c'est bien une association créée, comme on le disait tout à l'heure, par des jeunes et pour des jeunes. Mmh. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que c'est vrai que dans ces temps, on a besoin de s'amuser tout ça, donc c'est pas forcément évident. C'est vrai. Donc comme toutes les associations, je suppose que vous connaissez un petit peu la galère à cause du Covid. Oui, bah oui. Bah en fait, normalement, on a un grand loto qu'on fait chaque année en mars. Mmh. Et là, du coup, on n'a pas pu. On avait déjà des lots récoltés, etc. Mais on a du coup fait une grande tombola pour gagner des plateaux de charcuterie. On en refera une autre avec des petits lots, je pense, mais... En fait, on fait des plus petites ventes dans notre entourage, mais on essaye de ne pas rester inactif. Bien sûr, oui. Donc du coup, pour faire connaître l'association Jeunesse de Saint-Nabor, vous organisez, enfin vous, donc l'association complète, hein, complètement, donc tu organises et vous organisez différentes manifestations, différents événements, entre guillemets. Donc, quels sont ces événements ? Donc, tu l'as dit, tombola, oui. Des choses comme ça. Après, on fait aussi des marchés de Noël. Donc, avant, en fait, au tout début, on faisait le marché de Noël de plombière. Mais il faisait super. En fait, on faisait des écharpes nous-mêmes, des petites bougies, etc. On passait toutes nos vacances à les faire. Mais ça marchait pas trop bien, en fait, le marché de plombière. Il y a plus beaucoup de monde qui y va. Donc, je sais que l'année dernière, en fait, on a loué le centre social de Saint-Nabor. Et en fait, on a fait venir des artisans eux-mêmes. nous-mêmes. Et en fait, on organisait ça et nous, on faisait des crêpes, etc. Et eux, ils vendaient leurs produits. Ou alors, on fait des ventes de brioches aussi. Là, on a fait une vente de jus de fruits et de nectar. Mmh. On a clôturé, on fera la livraison le week-end prochain. Et bientôt, on va faire une vente de miel. Et je sais qu'en mai, on va aider en fait une ferme à récolter leurs produits, etc. Et ensuite, on fera des paniers garnis, donc avec leur aide. Ils nous feront un petit prix en échange de les aider à récolter. Ok, nickel. Donc, tu as un petit peu également répondu tout à l'heure. Est-ce que cette association a un QG, entre guillemets, en d'autres termes, ton association a-t-elle un bâtiment dédié où elle se trouve, donc un appartement que tu as dit tout à l'heure? Alors au début, oui, c'était le centre aéré, donc on s'y retrouvait souvent dans une salle à part, etc. Mais après, on a vraiment voulu un truc indépendant. Donc c'est la mairie qui nous met à disposition un appartement. Ils payent l'eau, etc. Et en fait, nous, on a mis les meubles, etc. On nous a fait des dons pour la vaisselle et ils s'y retrouvent vraiment toutes les vacances. Et c'est, en plus, c'est pas loin du centre aéré, c'est vraiment à 50 mètres. Donc on est vraiment juste à côté. Ok. Donc c'est donc tout ça, j'ai vu sur la page Facebook également que c'est aussi grâce à Christophe du groupe Solidaires et Citoyens, il me semble. Oui, alors lui nous a offert une télé en contrepartie de les avoir aidés en fait pour une assemblée générale. Ok. Et donc en fait oui, on fait ça aussi pour la mission locale qui nous avait fait un don. On fait le service ou alors on les aide à débarrasser pour leurs événements et en échange ils nous font des dons ou alors ils nous font un petit peu de pub. Ok. Ouais, donc Christophe, que j'avais déjà reçu il y a quelques semaines dans une de mes émissions, et la mission locale donc, du pays de Remiremont et de ses vallées, c'est ça? Oui, c'est ça. Que l'on salue également. Car fut un temps, quand j'étais jeune, j'y étais. Voilà. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai vu que vous avez également des pulls personnalisés. Oui. Donc, pour décrire un peu à nos auditeurs et auditrices ce que sont ces pulls, en fait, c'est des sweats à capuche gris avec le prénom de son propriétaire brodé derrière. Voilà. Donc, est-ce que, à tout hasard, ces pulls sont là uniquement pour les bénévoles de l'association, ou est-ce que quelqu'un d'extérieur à l'association peut en commander un à son nom, à un certain prix, afin d'aider l'association? Alors, oui, en fait, j'ai fait d'abord pour les membres, pour les motiver, parce qu'en ce moment, on faisait plus d'événements, plus d'activités, plus rien. Donc, je me suis dit que ça pouvait être bien à la fin de la tombola. Et je sais que, de base, c'était juste pour les membres du bureau, etc. Mais beaucoup m'ont demandé s'ils pouvaient s'en faire un. Et donc, vu que nous, on les a payés 27 € à l'unité, j'ai dit que pour 30 €, voilà, ils pourraient en avoir. Et donc, je sais que j'ai déjà 2 ou 3 commandes okay. pour des gens extérieurs. Et ouais, ça fait plaisir qu'ils montrent. Il y a le logo, etc. Donc, c'est super. Ça nous fait encore plus connaître. Et je sais que les ados, ils le mettent tout le temps aussi au lycée et tout. Et du coup, tout le monde s'y intéresse. Et puis, ça fait quelque part comme un petit don aussi pour l'association, du coup. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez utile. Donc, du coup, à part ces pulls, donc ces sweats à capuche gris avec le prénom, est-ce qu'il y a d'autres versions de ces pulls ou pas encore? D'autres versions, non, mais je sais qu'il y a 2 ans, on avait déjà fait des t-shirts, okay. donc blanc et noir, mais sans le prénom. Et aussi pour le repas des anciens, on avait fait le service donc bénévolement toute la journée, parce que c'est super long, ils mettent beaucoup de temps à manger, les anciens. Et oui. du coup, la mairie, pour nous remercier, nous avait fait des énormes sacs de voyage, avec pareil, la broderie à JSN. Okay. Donc, mais après, ça, c'était plus pour les anciens, les nouveaux, non pas du coup. C'était vraiment l'ancienne génération. D'accord. Mais on en refera sûrement des petits sacs à dos, puisque c'est toujours utile. Et donc la nouvelle génération, maintenant, elle a les gros sweats à capuche gris oui. avec. Et les t-shirts aussi. Et les t-shirts. On en avait fait refaire. Ok. Donc récemment, le 8 mars dernier, pour être précis, l'association Jeunesse de Saint-Nabor a lancé, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, sa vente de jus et de nectar. Donc tu nous as dit que cette vente était terminée. Oui. Donc. Justement, quels sont les jus et nectar que nous pouvions trouver Alors, il y avait du jus de pomme simple, du jus de pomme poire, pomme framboise, et après, il y avait des nectars donc, de 75 centilitres, un peu plus petits, de mirabelle, de cerise de fougerolles et aussi de rhubarbe. Ok. Et pour faire ces jus et nectars, avec qui tu travaillais? Alors, c'est avec la ferme Muller. À Fougerolles. Okay. En fait, les jeunes les avaient croisés donc, cet été sur le marché de Remiremont et leur avaient demandé si on pouvait potentiellement faire un partenariat, par exemple, qu'ils nous vendent leurs bouteilles un petit peu moins cher et qu'on puisse faire un petit bénéfice dessus de 1,30 € par bouteille et leur revendre. Et on a vendu 510 bouteilles. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est donc, on s'était fixé environ 20 bouteilles par ado, mais je sais que les animateurs et moi, en fait, on avait plus le temps, donc on a vendu peut-être 70-80 chacun. Et donc, ça fait 510 bouteilles au final. Et c'est super, ça nous fait un bénéfice de 600 € quand même. 600 € qui vont directement dans les caisses de l'association, du ouais, coup. Voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, à part la ferme Muller, tout ça, avec quel autre organisme l'association Jeunesse de Saint-Nabor travaille-t-elle? Alors là, on va travailler, enfin, on a un adolescent qui s'appelle Baptiste Chabance, qui fait en fait du miel avec un apiculteur. Et du coup, en fait, c'est personnel, mais on va vendre leur miel. Et du coup, ils étaient contents. On va vendre 100 pots, donc dans les prochaines semaines. Ensuite, on a aussi fait donc avec la boucherie Ballant de Saint-Nabor. Mm-hmm. Donc, ils nous avaient donné une douzaine de plateaux. En fait, au lieu de 20 euros, on les avait eu à 15 euros et on les avait fait gagner donc, dans une tombola où on avait vendu environ 650 billets. D'accord. Et voilà, après, ils nous en avaient offert un pour nous remercier d'avoir pensé à eux pour les adolescents, etc. Ok. Mais donc, du coup, tous ces partenaires, qui est-ce qui les trouve? C'est toi? C'est quelqu'un d'extérieur? C'est un peu tout le monde. En fait, on se réunit, on dit voilà quel événement on fait, avec qui on peut faire. Et en fait, on avait choisi la boucherie Ballant parce que déjà, ils viennent de refaire un énorme complexe super sympa. Et on connaissait en fait un petit peu la directrice du bâtiment, etc. Et puis en fait, c'est juste en face de chez nous. On habite juste à côté et puis on aime le produit là-bas. Et pour le miel, donc on connaissait l'adolescent. Et puis voilà. Voilà, c'est ça d'abord, c'est petit, on se connaît tous. Ok. Donc, tu l'as dit également tout à l'heure, mais tu peux peut-être un petit peu nous en dire plus. L'association, du coup, organise même des tombolas. Oui. Donc, une dernièrement pour gagner un plateau de charcuterie et de raclette. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, on va peut-être en refaire une. Donc, avec les lots qu'on avait gagnés pour le loto, on n'a pas de lots suffisants pour faire des gros lots, etc. Mais je pense que, en fait, on a des cadres, etc. On a des... Voilà, des petites choses, un peu comme on faisait en fait au loto, on faisait des tombolas. En fait, ils achetaient un ticket à 2 euros et c'était sûr de gagner quelque chose. Et okay. On fera ça. Et aussi, à l'ouverture du site, je pense qu'on fera gagner quelque chose parce qu'on est en train de créer un site internet. Mm-hmm. Et voilà, on fera un jeu concours à l'ouverture du site pour qu'il soit connu, etc., pour qu'il ait de la visibilité. Ok, donc cette tombola pour gagner le plateau de charcuterie, elle a eu lieu en décembre 2020, ouais, c'est ça. Donc vas-y, fais-nous rêver un petit peu, quels étaient les différents lots à remporter? C'était vraiment que ça, il y avait 12 plateaux en fait, et il y avait voilà, des lardons, etc., de la raclette, et puis c'était la période, alors les gens, on leur a dit que voilà, pour pas se compliquer à faire en fait une énorme remise de lots avec le Covid, où il y aurait beaucoup de monde, et ben on a dit que voilà, il y aurait 12 gagnants, 12 plateaux gagnants, et qu'après en fait on pouvait leur livrer chez eux. Donc certains sont venus chercher le ticket en main propre, pour pouvoir aller chercher plus tard, et d'autres on leur a ramené chez eux parce que c'était des personnes plus âgées. Mm-hmm. Et j'étais vraiment contente qu'on puisse leur ramener chez elles, etc. Puis 12 plateaux, c'était pas énorme à livrer, et ça crée des liens avec les plus anciens qu'on essaye de garder aussi en les aidant pour les repas, etc. D'accord, ouais, donc l'association Jeunesse de Saint-Nabor, elle essaye vraiment de, comme tu dis, de maintenir le lien avec les habitants de Saint-Nabor. Ouais, voilà, avec les plus anciens, du coup, et puis avec les tout petits du centre aéré qui, du coup, seront sûrement la relève des ados actuels. Ok, nickel. Donc, il est 14h24. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une deuxième fréquence que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois une chanson en anglais d'un artiste français, plutôt typé cette fois hip-hop rap, de quelqu'un que j'apprécie également beaucoup, donc Riles, et son titre Should I, datant de 2016. Donc, on se retrouve juste après Riles et on se retrouve juste après, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Allez, à tout de suite d'ici un peu plus de 3 minutes. Some weed. Shit, I'm confused. What the fuck am I saying? On your pussy, I'ma go super saiyan. Saiyan. Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused. What the fuck am I saying? On your pussy, I'ma go super saiyan. Should I stay sober until the end? Should I get wasted until my mind's erased? Even though reality gon' slap me straight, time might break, got too many things in my head. Should I make a song or should I make three more? Should I be the best or should I be the one? Should I stay instead or should I why should I run? My left hand got the keys, but the other got a gun. Should I feel the doubt when I'm watching the news? Should I fuck with industry? Should I refuse? Should I tell everybody I love you? Should I wake my problems up or should I eat snooze? Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'm a good super saiyan. Do I really need to fuck or not? My mind's tricking my body on negrita. I know what I gotta do to make her cry. Should I stay tonight or should I say goodbye? Shoot out of this girl, no, I won't even try. Should I feel ashamed, no, but should I feel proud? Would I be the same if I wasn't that high? Nigga, should I be earthbound with my head in the sky? Be generous if I wanna be alive. Should I be omnipresent to keep up this side? Should I be the first or should I be the last one? Should I fuck up the game or should I win this fight? Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'm a go super saiyan. Why I wanna stay when they all leave? Should I smoke your alcohol or drink some weed? Shit, I'm confused, what the fuck am I saying? On your pussy, I'm a go super saiyan. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Donc 107 FM localement ou nos petites applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous espérons que vous profitez de cette journée ensoleillée à peu près partout en France. Vous venez d'écouter du coup Riles avec son titre Should I. Nous sommes toujours en compagnie de Alexia Stark, présidente de l'association jeunesse de Saint-Nabor, qui est venue nous parler de cette association. Ça va toujours ? Oui, ça va. Nickel. Donc du coup, tu m'as dit pendant la chanson off que on était écoutés. Oui, par du coup les adolescents de l'association et par les animateurs aussi et leur classe du coup. Ok, bon, on leur passe un petit bonjour. Donc voilà, tout se passe bien, ne vous en faites pas. Donc alors, même question que pour la première fréquence, pourquoi avoir choisi cette chanson de Riles? Est-ce que c'est pareil, une chanson que t'aimes bien écouter en voiture ou... Bah oui, aussi, j'aime beaucoup ce chanteur et aussi parce qu'à la base il est français. Mm-hmm. Et bah j'admire beaucoup l'accent, etc. Parce que bah, mon niveau d'anglais c'est pas ouf. Ok. Donc replongeons-nous à nouveau dans notre petite émission. Il t'arrive même, donc j'ai vu ça également en faisant mes recherches en amont de cette émission, d'écrire toi des articles de journaux afin de faire connaître ton association. Je pense notamment à un article paru dans le journal L'Écho des Vosges en janvier dernier. Donc est-ce que tu en écris beaucoup des articles comme ça pour faire connaître l'association ? Alors en fait, j'ai commencé en octobre 2020 et on m'a contacté par mail, etc. parce qu'ils cherchaient un correspondant dans le secteur de Saint-Nabor jusqu'à Épinal. Et en fait, j'écrivais vraiment sur tous les sujets, donc sur le sport, l'actualité, etc. Et après, j'ai demandé si je pouvais vraiment faire sur le secteur de Saint-Nabor pour pouvoir faire les deux, pour écrire sur mon association. Et donc, il m'a dit oui. Donc, quand il y avait des petits événements, etc., j'essayais de faire de la pub. Ou alors là, je sais qu'il m'a autorisé à écrire un article pour informer de la vente de miel qui arrive et des pulls aussi. Donc j'arrive à faire les deux et en plus c'est rémunéré. Donc ça fait toujours quelque chose sur le CV et c'est utile pour notre association. Alors, c'est bien sûr. Ah ouais, donc tu fais beaucoup de choses. Donc tu as tes études, tu as l'association, tu as du coup des écritures de journaux. C'est pas trop compliqué de tout concilier. Un petit peu, mais ça vaut la peine parce que après je sais que ça fera toujours plaisir de les voir s'amuser cet été et ils le méritent vraiment. En plus ils sont vraiment reconnaissants, ils disent merci tout le temps et ils sont souriants, ils sont top. Bah c'est bien, c'est une bonne raison. Oui. Donc du coup, tu organises même avec ton association, comme on disait, des manifestations entre guillemets dans différents magasins, comme en décembre dernier où vous emballiez des cadeaux de Noël à Kiabi, où il y avait même une boîte à dons. Oui, Donc en fait, vraiment, on était là, enfin les ados, parce que je ne l'ai pas fait cette année, je le faisais quand j'étais plus petite. Et voilà, ils emballent les cadeaux et après les gens donnent vraiment ce qu'ils veulent. Et on devait le faire dans d'autres magasins, mais ça a été annulé à cause du Covid. Mais je pense qu'on le refera, enfin c'est pas un bénéfice énorme, mais je sais que les gens, quand ils viennent, ils n'ont pas le temps, on emballe leurs cadeaux et on leur explique un peu ce que c'est notre association. Et des fois, des gens donnent plus. Puis après, on distribue des petits flyers et c'est comme ça qu'on se fait connaître et que les gens viennent à nos événements. Oui, c'est ça, ça vous fait une petite visibilité en plus. Oui, c'est ça. Et puis après, on fait de la pub sur les réseaux, etc. Et je sais que des gens viennent exprès avec des autres cadeaux d'autres magasins juste pour nous voir et qu'on leur emballe. Et ça fait plaisir. Ben oui, j'imagine. D'ailleurs, avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, dont nous ne citerons pas le nom, nous en entendons assez parler. Oui. Du coup, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être un petit peu développer. N'est-ce pas trop compliqué de faire vivre ton association ? Bah, un petit peu, parce que du coup, oui, les grosses manifestations ont été annulées, on voulait peut-être faire un bal, etc. En fait, on voyait les choses beaucoup plus en grand cette année, vu qu'on était un peu plus et que vraiment, ils sont super motivés. Et ça nous a un peu freinés. Et après, pour le porte-à-porte, on avait peur que les gens, ça dérange. Mais du coup, en fait, on mettait pour les brioches, par exemple, on mettait le masque, les gants et vraiment du gel à disposition, etc. On fait vraiment attention et je sais que ça dérange pas grand monde. Enfin, ceux à qui ça dérange ne répondent pas, généralement. Et voilà, et puis après nos familles nous soutiennent beaucoup aussi. Et je sais que par exemple, moi pour la vente de jus, c'était vraiment que via les réseaux, j'envoyais des messages, etc. Et les ventes, il n'y a pas forcément besoin de sortir de chez soi. Et à force de vendre aux gens, en fait, on a les mêmes contacts et on sait qui va nous acheter ou pas. Donc on crée un petit réseau permanent. Ok. D'ailleurs, j'avais une question en tête que je n'ai pas marquée sur mon document, mais j'ai oublié cette question. Bon, peut-être que ça me reviendra, j'espère. Et nous pouvons également voir sur différents événements et dans différentes structures, également de temps en temps, nous pouvons également vous voir. Oui. Voilà, c'est direct. Hein. Nous pouvons vous voir du coup également sur différents événements et dans différentes structures également de temps en temps. Je pense notamment à un événement qui se fait tous les ans, il me semble, l'Infernal Trail des Vosges, oui. Ou encore à certains. On peut vous voir également dans certaines braderies de temps en temps. Alors, en fait, c'est pour ça. Enfin, vu que je fais de la pub sur les eaux, etc., je connais beaucoup de présidents d'autres associations, donc notamment le président de la braderie de Remiremont et le président de l'Infernal Trail, en fait, qui ont besoin de mains, de bras, etc., pour aider. Donc, en fait, on les a aidés. Et en fait, en retour, si on a besoin pour un loto, etc., ils viendront aussi nous aider parce que les bénévoles de l'Infernal Trail sont vraiment nombreux. Mm-hmm. Et en fait, voilà, ils nous ont dit qu'on pouvait compter sur eux. Et pareil pour la braderie, en fait, on a aidé à installer toutes les barrières, etc. On était là tôt le matin et tôt le soir pour tout enlever. Et en échange, en fait, on avait un emplacement gratuit où on pouvait vendre des crêpes, des boissons, etc. Donc, on a fait du bénéfice juste en échange d'installer toutes les grilles. Et en fait, on faisait aussi les post-Covid. Donc, on était aux entrées et aux sorties. On distribuait du gel. On disait aux gens de bien garder le masque. Et puis, voilà. Et on avait nos t-shirts et nos petits flyers. Donc, c'est encore de la visibilité en plus. Ok, donc c'est bon, j'ai retrouvé ma question. Du coup, je suppose que pour ton association, je suppose que tu es soutenue par tes proches, ta famille, tes amis, même voir tes profs, s'ils le savent que tu fais ça. Alors, mes profs de la fac, c'est compliqué parce que bah, je les connais pas trop, vu que c'est souvent en visio, etc. Mais je sais que oui, les profs de mon lycée m'achetaient souvent des petits billets tombola, etc. Et puis, bah, mes parents me soutiennent, oui, parce que bah, mon papa vient souvent aider quand il y a besoin de bras, etc. Et ma maman, du coup, en fait, la trésorière avait démissionné il y a 2 ans ou 1 an et demi de cela. Mm-hmm. Et je savais vraiment pas qui mettre. Et vu que j'étais seulement majeure 6 mois après, et bah, en fait, elle a bien voulu se mettre à ce poste-là. Et au final, c'était vraiment que pour me rendre service pendant les 6 mois avant ma majorité. Et maintenant, bah, elle s'est pris au jeu et elle m'aide tout le temps. Elle me donne des conseils, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et ma sœur aussi, parce que ma sœur, elle est Miss Élégance, Lorraine. Et donc, quand il y a des ventes, etc., vu que bah, elle a un réseau beaucoup plus large que le nôtre, elle me fait des pubs sur sa page pour nos ventes, etc. Et je sais que j'ai vendu beaucoup de bouteilles grâce à elle. Ok. Oui, ta sœur qu'on a déjà reçue ici, Facolia a déjà reçue, donc Mélissa, oui. Donc qu'on salue si elle nous écoute. On ne sait jamais. Je sais pas. Donc voilà, donc on la salue. Du coup, il vous arrive même, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, de vendre du coup des brioches de temps en temps, des choses comme ça. Donc, je suppose que le fait d'être présent sur différents événements, différentes manifestations et d'organiser même différents événements, c'est notamment, enfin surtout pour vous faire connaître de plus, enfin davantage. Oui, c'est ça. Bah, on est beaucoup plus connus et du coup, en fait, le fait d'aider les autres associations, enfin, personne ne le fait. Et souvent, les associations, elles sont très fermées, elles font leurs petits événements dans leur coin. Alors que nous, vraiment, on a aidé beaucoup de monde, on aide la mairie, etc. Et donc, en fait, quand on a besoin d'aide ou qu'on n'a pas assez de monde, ils viennent aussi. Ils nous font aussi des dons parce que la mission locale, par exemple, a beaucoup plus de ressources que nous. Donc voilà, faire un petit don, ça coûte vraiment rien pour eux. Et pour la mairie, par exemple, oui, on demande une petite cotisation par adolescent. En demande pas de subvention chaque année. D'accord. Et donc, ils nous donnent une petite cotisation par adolescent pour le voyage de fin d'année. Et le fait de nous voir un peu partout et d'être disponible quand ils en ont besoin, et bah, ça nous fait sûrement gagner des points et garder des liens avec eux. Ok. Donc, pour intégrer cette association jeunesse de Saint-Nabor, est-ce qu'il y a un âge minimum ? Ou pas? Ouais, alors du coup, c'est à partir de 13 ans, mais je sais qu'on a un petit bénévole qui a 12 ans et qui attend l'année prochaine pour pouvoir partir, mais qui nous aide beaucoup quand même. Et après, c'est jusqu'à 17-18 ans, mais voilà, à 18 ans, on peut rester comme moi, bénévole dans le bureau. Mais je sais que, en tant que présidente, je partirai quand même avec eux, en tant que responsable du groupe, et que si vraiment à 18 ans, eux, ils sont encore là, ce sera les membres du bureau, et je sais qu'ils resteront parce qu'ils s'adorent. D'accord. Ouais, donc même être présidente d'une association, ça doit représenter également beaucoup de responsabilités. Oui, bah, surtout que c'est un peu compliqué parce que l'année dernière, enfin il y a 2 ans, on était en Irlande et j'étais encore présidente et ado. Okay. Donc je suis partie en tant qu'ado avec certains et maintenant je suis présidente, donc un peu au-dessus d'eux, alors que c'est mes amis. Donc voilà, enfin j'ai les responsabilités, mais je leur donne beaucoup aussi. J'essaye de pas tout faire toute seule. Et bien puis sûr. C'est vraiment pas, voilà, je suis pas plus importante qu'eux, je fais le même travail et à la fin on profite des mêmes choses. Oui, c'est juste sur le papier que ça change, mais sinon, voilà. en soi, vous êtes sur le même pied d'égalité. C'est ça. Ok. Donc, il va être 14h38. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence que tu as choisie une nouvelle fois, la chanson Mamacita du groupe Black Eyed Peas, qui chante du coup avec le chanteur portoricain Osuna, j'espère que je le prononce bien, chanson... Pardon ? Je sais pas. Ah, chanson cette fois plutôt pop, datant de 2020, donc oui, c'est tout récent, l'année dernière. Chanson qui a d'ailleurs remporté le prix Lo Nuestro Award, for Crossover Collaboration of the Year. Voilà. Est-ce que ça te va qu'on écoute Mamacita ? Oui, parfait. C'est parti, on s'écoute ça et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes cette fois. Música testigo y a la vez mamacita. Luis Butón es su vestido diamante. Le gusta cuando al oído yo le digo que mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que le secundan, salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior, siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé, una botella de rosé, que la chori tiene sed. De seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me gusta. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the, put you in the, put you in the mix, ayy. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the put you in the mix. Hey. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Gasolina. Mueve, mami, move it on me. Sacúdalo, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go, what interest ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Got me saying ooh la la. Adios mio, oh my God. Call me mamacita. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Adios mio, oh my God. Call me mamacita. Mamacita. The Black Eyed Peas en featuring avec Ozuna est leur titre Mamacita sur Radio Gamozo. Donc vous êtes de retour sur nos ondes. Pour nous capter localement, c'est sur le 107 FM et sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Donc pour nous capter partout en France sur ces deux applications. Nous sommes toujours en compagnie de Alexia Stark de l'association Jeunesse de Saint-Nabor qui est venue nous parler, devinez quoi, de l'association Jeunesse de Saint-Nabor. Ça va toujours ? Oui, ça va. Ok, nickel. Donc du coup, pendant cette pause musicale, il y a une jeune bénévole de l'association qui a appelé, oui. Agnella, donc on va la mettre à l'antenne tout de suite. Allô Agnella ? Allô ? Allô, oui, vous êtes, enfin tu es à l'antenne. Ouais, bah bonjour à tous. Bonjour. Donc du coup tu fais partie de l'association Jeunesse de Saint-Nabor ? Oui. Ok. Donc du coup, comment toi s'est passé cette ton en gros pour arriver dans cette association, comment ça s'est passé pour toi ? Bah, de base, moi j'étais déjà au centre aéré depuis longtemps, enfin je connaissais le centre aéré depuis longtemps, mais j'étais depuis que j'étais petite. Et j'habite à Saint-Nabor, et forcément je connaissais ce qui faisait partie de l'assaut, etc. Mais je m'étais pas inscrite directement, je me suis inscrite l'année dernière. Et franchement, je n'ai aucun regret, franchement elle est géniale cette assaut. Ok, donc tu connaissais Alexia avant ? Ouais, je la connaissais déjà. Ok, donc vous êtes amis depuis quelques temps maintenant ? Ouais. Nickel. Donc, est-ce que toi, tu as un poste particulier dans cette association ou est-ce que vous faites tous la même chose ? Certains peuvent avoir un poste particulier comme assistant de la secrétaire ou assistant de la trésorière, par exemple. Mais non, moi, j'ai pas de poste particulier. Je n'ai pas voulu cette année, peut-être l'année prochaine, mais cette année, non. Ok. Donc, si Alexia, tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Non, bah juste que même si elle n'a pas de rôle, elle est vraiment indispensable et qu'elle est très utile. D'accord, bah comme tous les bénévoles, je suppose, de l'association. Donc, du coup, est-ce que toi, Agnella, tu es sur tous les événements ou est-ce qu'il y en a certains, j'imagine, que tu ne peux pas forcément aller dessus ? Bah, je pense que comme tous ceux qui font partie de l'asso, on essaie d'être là un maximum. Pour aider, parce que c'est important d'être tous ensemble et pour bien apprendre à se connaître aussi, parce qu'on ne se connaît pas tous par cœur. Donc j'essaie d'être là le plus souvent possible. En général, je suis vraiment là tout le temps. Bien sûr, il y a des fois où je ne peux pas, parce que j'ai des devoirs, j'ai le bac, etc. Mais j'essaie d'être là, oui. Ok, nickel. Donc, du coup, j'ai d'autres questions, parce que là, c'est de la totale impro, j'ai rien écrit sur ma trame. Donc, du coup, peut-être si tu as quelque chose à rajouter pour... si tu devais encourager d'autres jeunes à intégrer l'association, qu'est-ce que tu leur dirais ? Bah venez quoi, parce qu'on s'éclate, franchement tout le monde est incroyable. Franchement il y a une ambiance vraiment superbe dans l'asso. Il y a peut-être des petits bas des fois, des petites embrouilles comme ça, mais en vrai c'est rien. On passe toujours au-dessus de ça et c'est vraiment c'est juste des moments incroyables et c'est une chance unique qu'on a tous de faire partie de cet asso. on a plein de projets à l'avenir et si je devais dire à du monde de venir, bah venez, clairement il y a de la place. Ok. En plus ça permet de rapprocher les jeunes de Saint-Nabor entre eux. Ouais. Bah il y a pas que des jeunes de Saint-Nabor, ça qui est bien. Il y a d'autres personnes, il y a des gens de Remiremont, de Rue, donc c'est cool. Ah ouais, donc vous avez quand même une certaine visibilité du coup, en dehors de Saint-Nabor. Est-ce que tu sais, par exemple, vers jusqu'à où vous avez une visibilité ou pas du tout? Je pense qu'on a à peu près partout dans les Vosges. Je l'espère, en tout cas. Mais je pense ouais, à peu près dans les Vosges, peut-être plus loin, peut-être vers Nancy. Parce qu'il y a un de nos amis qui habite à Nancy. Mais ouais, je pense dans les Vosges, déjà, c'est déjà pas mal. C'est sûr, et en plus toi, vu que Alexia, tu es du coup en études à la fac de Nancy, peut-être il y a certains étudiants ou étudiantes qui savent que tu fais partie d'une association, et donc peut-être qu'ils veulent s'investir dedans. Bah ils ont mon âge, ils sont un peu plus vieux, ils peuvent pas faire partie, mais c'est vrai que certains s'intéressent, ils ont vu mes stories, etc., ils m'ont demandé, je leur ai expliqué, ils ont dit que c'était super intéressant. Ok, c'est bien d'avoir des soutiens, en dehors que ce soit des soutiens familiaux ou même... À l'université, tout ça. Bah, du coup, merci Agnella d'avoir rappelé. C'était cool d'échanger. De rien, bah, merci à vous. Donc, du coup, peut-être un dernier mot avant qu'on raccroche ou pas du tout? Je vais faire une grosse dédicace aux animateurs de l'asso, puis à tous ceux de l'asso. Voilà, gros bisous à tous. Et bon courage pour les cours et pour vos travail. Et ben voilà, donc grosse dédicace à vous. Et merci à tous ceux qui nous aident aussi. Et merci, ouais, c'est vrai, merci j'ai du mal, hein. Merci à tous ceux qui aident l'association. D'ailleurs, je mettrai en podcast avec cette émission le lien de la page Facebook si on veut vous retrouver, pourquoi pas. Et merci à vous de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Donc, du coup, on va reprendre du coup cette émission donc avec Alexia. C'est sympa d'avoir des petits appels, des petits invités comme ça. Oui. Du coup. Je n'ai pas posé cette question, mais bon, je l'ai peut-être posée en fait. Oh, je sais plus. Donc, on va la reposer au cas où. Pourquoi avoir choisi cette chanson Mamacita des Black Eyed Peas? Cette fois, c'est pas le chanteur ou quoi. C'est une de mes chansons favorites avec ma sœur quand on danse et qu'on fait un peu les folles. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, dédicace à ta sœur également. Oui. Voilà, si elle écoute cette émission, Mamacita, c'est passé. Du coup, donc, comme on le disait, en plus de t'occuper de cette assoce, tu es encore en études à la faculté de lettres. De Nancy, enfin la faculté de lettres et sciences humaines. Donc du coup, on a un petit peu parlé, mais pourquoi pas, on va en reparler. Est-ce que les autres étudiants et les autres étudiantes de la fac sont au courant que tu gères une association? Tu m'as dit oui. Alors oui, certains. Donc je sais que vu que je vais pas beaucoup en cours en présentiel, c'est vraiment que les vendredis matins. Okay. Je les connais, mais vraiment vite fait. Donc je les ai sur les réseaux sociaux, donc Snap, Instagram. Donc quand je fais les pubs pour les ventes, etc., ils me répondent. Enfin, ils achètent pas parce que eux, souvent, ils habitent sur Nancy, ils sont un peu loin de moi. Mm-hmm. Mais ils sont intéressés, ils m'ont demandé ce que je faisais, ils m'ont dit que c'était vraiment cool. Qu'à l'âge-là, je fasse autre chose que les études. Parce que du coup, dans le centre aéré, où on achète le matériel, je suis aussi animatrice avec le BAFA. Et donc, j'arrive à mêler les deux. Et c'est un milieu que vraiment, j'ai pas envie de quitter tout de suite. Oui, en plus, donc comme tu dis, que tu fasses autre chose que les études. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, tu es encore jeune. Donc, du coup, ça permet de te diversifier. Déjà, d'avoir des responsabilités, même si tu es majeur, d'avoir des responsabilités encore plus adultes. Oui, donc ça te permet aussi peut-être de gagner en maturité quelque part. Oui, surtout me parler avec les autres, etc. Je sais que je dois faire des réunions des fois devant 30, 40 personnes et j'étais une personne super timide et ça m'a beaucoup aidé en fait à prendre des responsabilités et à me dire que quand c'est important, il faut vraiment le faire et que là, c'est pas rien, c'est pas que pour moi en fait. Il y a 20 jeunes qui comptent sur moi et qui comptent sur un projet à la fin de l'année et qu'il faut vraiment bosser dessus pour que ce soit concret. Bien sûr, et donc ce projet à la fin de l'année, c'est un voyage. Oui. T'as une destination, déjà une idée de destination ou... Alors là, ce sera à Bidar dans le sud, et d'accord. Le projet pédagogique est en train d'être monté. En fait, on est en train de chercher si on trouve en fait une autre association de jeunes. On a trouvé, mais c'est difficile de prendre contact avec eux. Et en fait, on irait là-bas, ils nous feraient découvrir un peu la mer, et nous, on leur ferait découvrir la neige, le ski, etc. Et à chaque fois, en fait, on essaie de trouver un projet. Donc quand on est parti en Ardèche, c'était un projet pédagogique, donc sportif. Donc c'était vraiment, on faisait canyoning, sortie VTT, etc. Et après, on est parti aussi en Irlande. Et en fait, on a fait un lien entre le général Imbert, donc en Irlande, et puis Saint-Nabor. Ah oui. En fait, il était passé par là, etc. On a un petit endroit vraiment mémorial là-bas. Et voilà. Ah ouais, c'est sympa, c'est quand même déjà une bonne... C'est déjà bien, bien construit depuis quoi, 3 ans qu'elle existe, c'est ça l'association? Ouais, c'est ça. Bientôt 4 ans, 2017. Ouais, c'est déjà bien avancé. Donc du coup, si nous voulons intégrer ton association Jeunesse de Saint-Nabor, comment pouvons-nous faire? Alors, il suffit juste de nous contacter sur Facebook, sur Messenger, c'est moi qui gère la page. Ou alors, on a aussi une page Instagram, donc AGSN. Et après, vraiment, sur chaque pub, il y a mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je sais que j'ai reçu des appels pour des ventes de jus de gens que je connaissais pas, parce que vraiment, il y a de la pub partout. Donc, c'est vraiment facile de nous contacter. Et même les ados, pareil, ils en parlent souvent. Et je sais que sur leur biographie Insta, ils ont l'association mentionnée et tout. Donc, c'est vraiment pas compliqué de nous trouver. Ok, nickel. Donc il est 14h51, donc avant de nous quitter, je te propose de partager quelques infos locales, car c'est important de soutenir ce qui se passe localement. Oui. Donc première info locale, lancement d'une chasse au trésor avec 750 000 euros à gagner. Pour tenter votre chance, c'est simple, ça se passe le 8 avril prochain. Donc parution le 8 avril 2021 du livre Le Trésor de l'Entente Cordiale, lançant une chasse au trésor aux éditions de la Chouette d'Or. Lancement le 8 avril 2021 avec la parution simultanée en France et en Angleterre, d'un livre intitulé du coup Le Trésor de l'Entente Cordiale, contenant un magnifique conte intitulé Le Trésor des Edreilles, traduit de l'écrivain Pauline Desson, dans lequel sont dissimulées les énigmes menant à la découverte d'un trésor, un en France et un en Angleterre. Il y a donc deux trésors à découvrir. Le 8 avril 2021, date anniversaire du traité de l'entente cordiale signé à Londres. À Londres, donc la capitale anglaise, bien sûr, le 8 avril 1904, sera lancée une chasse au trésor à la fois en France du coup et en Angleterre, avec un trésor à découvrir en France et un autre trésor à découvrir en Angleterre, à l'initiative de l'artiste créateur de la Chouette d'Or, cachée en 1993 par Max Valentin, est devenue classe. Chasse, pardon, légendaire. Le lot de la nouvelle chasse au trésor lancée en 2021 est le vrai coffret de l'entente cordiale offert par le roi Édouard VII au président français Émile Loubet. C'est intéressant ça, non, comme association, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est super cool, et je connaissais pas, c'est cool de voir qu'il y a d'autres gens qui font des événements avec la période un peu triste en ce moment, donc c'est vraiment intéressant. Bien sûr, et donc deuxième info locale, une info littéraire cette fois, l'auteur Maxime Gay, alias Grian, sera en dédicace à la librairie de l'hôtel de ville de Gérardmer, située à l'adresse 48 rue Charles de Gaulle, 88 400 Gérardmer, le samedi 10 avril de 10h à 17h. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu connais tout hasard cet auteur ou pas du tout? Je ne connais pas, mais oui, j'aime beaucoup lire. Et c'est cool de voir que les auteurs arrivent quand même à garder un lien avec le public et puis leurs lecteurs. C'est vrai. Du coup, si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices sont intéressés pour créer une association comme la tienne, par exemple, ou dans un autre domaine, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Alors du coup, déjà, la motivation, c'est vraiment la principale clé. Ensuite, vraiment avoir un groupe aussi dynamique que le nôtre, des liens. En fait, vraiment, c'est une petite famille qui est en train de se créer. Et voilà. Après, c'est vraiment pas compliqué de créer une association. Il faut déclarer à la préfecture et voilà. Créer les événements, faire la pub, c'est pas ça le plus dur. C'est vraiment d'être entre nous, puis que chacun fournisse la même part de travail. Et puis chaque personnalité apporte quelque chose. Et les contacts différents qu'on a, on arrive à faire quelque chose, en fait, à nous tous. Enfin, en fait, tout seul, ça aurait pas été possible. Ouais, il faut oser se lancer, parce que du coup, si on a une idée, c'est bien, mais il faut la concrétiser. Oui, voilà. Du coup, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, il est 14h54. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être? Non, je pense pas. Enfin, juste, voilà, on va faire une vente de miel bientôt, et puis le site va être créé, donc on sera encore plus visible, et si on veut nous contacter, c'est vraiment pas compliqué. Ok, donc justement, ça vient... Du coup, sur ma question d'après, comment on peut te contacter du coup sur la page Facebook de la JSN ou sur Instagram? Oui, voilà, sur Instagram, donc il y a la page qui est gérée par un adolescent et par moi. Et puis après, vraiment, il y a mon numéro de téléphone partout et même mon Instagram personnel qui est partout. Donc Alexia Stark marqué là-bas, tout le monde me trouve. Donc. Ok, donc je les mettrai en lien tout ça avec le podcast de l'émission demain dans la journée. Ok, pas de soucis. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas. Nickel. Un bon voyage avec les ados, je pense. Ouais, et puis que cette association dure encore le plus longtemps possible. Ouais, j'espère. Donc voilà, donc est-ce que tu as, à 14h56 presque, est-ce que tu as un dernier mot ou pas? Bah, merci vraiment, comme Agnès l'a dit, à tous ceux qui nous soutiennent. Et je sais que là, pour la vente, il y en a qui boivent pas du jus. Enfin, les gens ne boivent pas forcément du jus et donnent, enfin, font des dons. Ils sont vraiment super gentils. Et puis, vu qu'ils voient qu'on est des jeunes, enfin, qu'on n'est pas là à traîner, je ne sais où, et faire des événements, en fait, qui apportent beaucoup de choses à tout le village. Voilà, merci de nous soutenir et d'être là avec nous et puis d'en parler autour de vous. Ok, ben voilà, le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Alexia Stark d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h avec le podcast dans la journée de demain. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 comme Agnella Afev, si vous voulez nous donner vos avis, vos impressions ou vos avis sur l'association, par exemple, pourquoi pas, on fera passer le message. Donc, quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai cette fois Laurie Valdener, qui sera là pour nous parler de tout ce qu'il fait, que ce soit dans les milieux... dans le milieu de l'écriture, du graphe et autres. En attendant, je vous laisse avec Gérard d'ici quelques minutes à 15h pour Salut les 60, dans laquelle il nous parlera de Carl Perkins, auteur, compositeur, chanteur et guitariste américain de rock'n'roll, né en 1932 et décédé en 1998, et qui a été actif de 1946 à 1998. Donc voilà pour la suite du programme de la journée. En tout cas, merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc salut et à demain.